chose. Hein. Mais je trouve que dans la pièce, dans cette pièce-ci, il y a une phrase clé qui en fait explique très bien cette pièce-là et ton travail. En général, c'est-à-dire que c'est la première fois, je crois, que tu affirmes littéralement ta position d'artiste. C'est plus il y a de solitaire, plus solennel, plus émouvante et plus puissante est la communauté. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse ou pas du tout? Moi j'ai l'impression que c'est la première fois que tu l'affirmes de manière aussi littérale. Bah parce qu'il y a des citations, effectivement, et une matière textuelle, j'allais dire, pas plus riche mais plus dense, et de gens célèbres qui sont utilisés dans le spectacle. C'est la première fois que j'utilise du matériau, d'ailleurs d'auteurs très respectables, de Novalis à Rilke, et qu'effectivement, c'est un extrait qui correspondait aussi très bien à mon travail. Je m'en parlais de ces lignes thématiques de comment être ensemble. Et ça, c'est pas propre au romantisme, ça. Comment être ensemble, pas seulement sur une scène de théâtre, mais dans la vie. C'est l'interview libre de Belgique, c'est-à-dire que on parle et la vie se mélange, c'est John Cage. Ouvrez la porte, le réel, un bébé, hop, on se parle de Novalis. Non, c'est vrai que c'était s'approprier une citation et rendre plus lisible sans doute ce que j'essaie de faire depuis 15 ans, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est une phrase qu'on pourrait extraire pour un t-shirt. Oui, je trouve. Je vais voir le studio. Non, mais c'est parce que cette question plus globale, parce que moi, je sais pas, j'avais pas envie de me lancer sur le débat. Faut-il être romantique, pas romantique? Oui, c'est vrai, j'essayais juste de me demander que c'était un courant quand même assez important parmi d'autres courants. Hein, le dadaïsme a aussi envoyé valser toute une époque très dure, 14-18. Enfin, si tu regardes tous les grands mouvements d'art, ils sont toujours mêlés à des trucs atroces qu'on avait conscience d'avoir traversé. Soit donc on était heureux d'avoir fini des guerres et que du coup il y avait la génération de l'après-guerre qui s'est mise à inventer l'art cubiste ou des choses qui sont nées des mouvements sociaux ou des conflits. Pas pendant, en général pendant les mecs ils sont tous anéantis. Les prémices. Comme là, je ne sais pas trop si on va vivre une révolution, on en aurait peut-être bien besoin, mais on n'y arrive pas vraiment. C'est pas du tout ta question en fait. Mais dans les spectacles, oui, la question d'être sur scène, le fait d'être à plusieurs, à se donner une mission, j'allais dire qu'on parle du romantisme ou d'autres mouvements, c'est la même chose. Donc ici, ils font un musée du romantisme. C'est bien qu'ils ont décidé quand même d'être un petit peu nostalgiques. Ou mélancolique? Moi, je me pose la question. Oui, c'est plutôt mélancolique. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'optimisme. Ouais, mais je pense que la communauté, en fait. Absolument, non, mais parce qu'il y a de la mélancolie, alors oui, nostalgie te paralyse parfois. Ça sent la naphtaline, la nostalgie. Ça n'empêche que certains petits moments sont nostalgiques quand tu parles de ce tableau. Il repense à son voyage en Pologne, je pense qu'il a vu Cantor, mais il a aussi sans doute une histoire d'amour, je le sais, puisqu'on a coupé des bouts en répétition. Et ça, c'est créer de la nostalgie. Par contre, la mélancolie, c'est aussi une atmosphère dont j'ai besoin pour croire au théâtre. Donc c'est souvent une caractéristique, pas seulement parce qu'il y a une pièce qui s'appelle La mélancolie des dragons, mais la mélancolie en tant que un mot qui veut dire qu'on a le droit de douter, de chercher, d'avoir le spleen, que je trouve obligé. Si on n'a pas de spleen ou de moments mélancoliques, c'est des moments peut-être pour l'humain, des passages. Il y a se bourrer la gueule, mais il y a aussi la mélancolie qui est un moment de. Tu vois, le temps pour digérer ce qu'on reçoit, ce qu'on subit, ce qu'on vit. Je pense que cette mélancolie est importante. Je ne compare pas avec des. C'est pas la dépression, hein. Je parle d'une mélancolie, c'est-à-dire regarder le plafond pour penser à ce qu'on va faire après. C'est important des fois. Donc c'est pour ça que les pièces prennent en général le temps, sont assez calmes. Il n'y a pas vraiment de course, il n'y a pas trop. Les taupes étaient un peu plus nerveuses, mais finalement elles arrivaient pas non plus à développer une fable. Non plus, on n'a pas fini le musée, on laisse ça, on laisse ouvert, c'est un peu trois petits points. Enfin, on laisse ouvert. On se dit qu'ils ont de l'ambition de faire ça, ils ont l'air contents, effectivement, moi je trouve aussi. Ils ils ont l'air de bien s'entendre. Et puis il y a des chansons, ça veut dire tu chantes ensemble en général, c'est que ça se passe pas trop mal dans ta vie communautaire. Et c'est aussi des signes que j'utilise parce que c'est des trucs un peu de théâtre pour montrer comment les gens arrivent à être ensemble. Parfois il y a des chorales, chanter ensemble. Je trouve que la musique est quelque chose qui... La musique ou CD, par exemple, CD. Un type sur une échelle, il y en a un qui tient. Ce sont des choses aussi symboliques. Ils sont très, très attentifs les uns aux autres. Ils prennent un pinceau et l'autre amène le seau. Comment tu complètes une action de quelqu'un ? T'es jamais seul. Parce qu'effectivement, chez Gaspard Friedrich, il y a beaucoup de modèles isolés dans les tableaux. Ce qu'on pense être sa femme ou sa bonne, soit lui-même, soit des figures d'artistes qui lui ont commandé un portrait. Il y a très, très peu de scènes de groupe et de vie. Ça n'a rien à voir, mais quand tu regardes Bruegel, qui est rempli d'une multitude d'humains, qui donne presque la situation inverse, où on se dit, mais Bruegel n'arrive pas à focaliser sur quelqu'un. C'est toute cette société qui est peinte. Et même quand c'est une mythologie comme Icare, hein, il est tout petit dans le tableau. Je ne sais pas pourquoi je parle de Bruegel, c'est pas du tout romantique. C'est ce qu'on a en Belgique. Est-ce que vous avez des questions pour Philippe, justement par rapport à la forme que vous venez de voir ? C'est une forme très particulière. Ouais. Okay. Moi j'en ai plein, je pense, mais je vais essayer. La plus importante pour toi ? Tu es une pertinente. Non, en fait, je m'interrogeais. Bon, déjà sur la dimension sociale de votre pièce, parce qu'on a ces cow-boys un peu oubliés du monde, et est-ce qu'il y a un rapport direct avec la situation aux États-Unis aujourd'hui, ou alors c'est vraiment le parallèle entre le western et le paysage, comme vous en parliez Je peux juste préciser. Je trouve que c'est aussi genre rentrer dans les peintures, enfin, ils ont toujours des positions très... ils ont toujours des positions un peu comme dans les tableaux justement. Donc du coup pour moi je l'ai en tout cas lu comme si on rentrait directement dans les scènes . Il y a une question pratique. Enfin je vais répondre quand on a créé le spectacle, c'est-à-dire en janvier 17, je pense pas qu'on se doutait que Trump allait être élu. Je répondrai que je n'ai pas du tout pensé, mais qu'évidemment j'y pense maintenant, parce que des fois on est rattrapé par... Janvier 16, tu vois, c'était quoi Trump, je ne sais pas trop. Enfin, j'y ai pensé sans y penser. Après, le mythe américain est toujours cette situation très beckettienne, je trouve, de quête un peu infinie. Mais oui, moi aussi je repense maintenant à la figure du cow-boy un peu démuni, désemparé, qui essaye de sauver. On pourrait presque imaginer qu'on sauve des peintures maintenant parce que Trump arrive et qu'on va sûrement fermer les musées. Quelqu'un m'a dit ça hier aussi, tu vois. C'est aussi très important pour moi des fois de jouer avec des pièces qui prennent des couleurs. C'est pour ça que j'aime bien la notion de l'œuvre ouverte, que tous les sens ne sont pas... Je ne maîtrise pas tous les sens d'un spectacle, c'est aussi comment... le spectateur ou une société va s'emparer d'une œuvre et le relire à la lecture aujourd'hui de ce qu'on vit. La mélancolie des dragons est toujours en tournée depuis 10 ans. On a aussi joué pendant sous Trump, hein, on jouait aux États-Unis le jour de l'investiture. Et donc je peux dire que la notion de mélancolie d'un spectacle qui ne voulait pas aborder Trump était... Tu vois, les hard rockers désœuvrés dans la neige en train de trouver des bulles de savon vachement belles, hein, avec un malade mental qui va presser un bouton dans pas longtemps, solution finale. C'est vrai qu'il y a des tableaux. Moi, je peux regarder des tableaux de Friedrich en pensant Fukushima. Hein. Ça a servi beaucoup de couverture. Il y a beaucoup de pièces de tableaux de Friedrich qui sont revisités pour faire des super belles couvertures symboliques. Pour le Times, où on voit ce tableau, on le voit de dos, regardant le paysage qui fume. Il a beaucoup été utilisé pour parler de la société industrielle, de la pollution, et aussi le futur, la menace qui vient de loin. Tu sais, comme les Indiens regardaient les cow-boys avec des misérables signaux de fumée en disant « attention », puis il y a eu des massacres. Il y a un truc comme ça, la figure de l'homme de dos, qui qui est aussi un peintre qui est encore bien bien vivant, on le voit bien, hein, pas seulement en carte postale, mais en retournement d'image. Et la dernière qu'on vient de m'envoyer, apparemment c'est dans The Independent ou une revue, la couverture, c'est Trump en Gaspard. Tu peux taper sur Google, oh là là. C'est dingue. Ouais, je l'ai reçu hier, il vient de les publier, c'est dingue. Et tu vois, c'est le mec seul, de dos, donc genre en gros que personne... oui, il est seul ouais, avec son seul, destin ouais. Et le spectateur... il va le faire. Il va le faire. Hein. Donc, voilà. Il y a un lien... Vous pouvez illustrer des questions. Donc chaque question que vous allez poser va être illustrée. Je te l'envoie. Ah oui, je veux bien. Voilà, que, effectivement, il y a un lien aussi entre le paysage, comme vous disiez, l'absence de caractère de personnage et aussi. Aussi une certaine volonté politique. Je pensais à un livre, alors j'arrive pas du tout à retrouver le titre, mais qui a été écrit pendant la Commune de Paris et en fait qui est décrit en détail des paysages de montagne et des activités météorologiques. Et en fait, le sous-texte de ce livre-là, c'est un discours politique communiste en fait. D'accord. Et en fait, faire passer ce message par le paysage, ouais. c'est quelque chose aussi qui intrigue les gens, oui. Et qui vont qui va les pousser à se poser des questions sur leur propre présence en fait dans ce paysage. Mais je pense que je suis curieux de ce texte, mais c'est pareil, tu vois Metterlinck qui est un auteur de théâtre. Qui était d'ailleurs très marqué par un certain communisme, en tout cas en ce moment-là, quand c'était une espérance de l'être, pour changer la société. Mais il y a tous ces textes incroyables sur la vie des termites, des abeilles et des fourmis, où soudainement, pour trouver des modèles d'une société humaine, il s'est mis à observer des insectes chez lesquels il y a des modèles qui marchent. Enfin, ça veut dire qu'il faut ressembler tous à des abeilles, mais tu vois, chercher des exemples autres que chez nos compatriotes. C'est pour ça que dans le romantisme, spécialement chez les peintres, je trouve qu'il y a quelque chose d'important de faire confiance au paysage comme une source aussi de pas seulement d'inspiration, mais de méditation, de conscience de ce qu'il faut préserver pour vivre. Elle parlait d'un thème aussi intéressant, de ralentir le temps, d'accélérer, hein, c'est beaucoup de... philosophes contemporains ou de sociologues qui disent attention, la planète va trop vite. C'est un mouvement qui avait aussi su décélérer. Prendre le temps de regarder une colline, une touffe d'herbe. Être improductif. Dans la contemplation. Attendre. Tout à fait, la contemplation. Mais oui, ouais. Bien sûr, on pourrait aussi parler de ça. L'état de... D'ailleurs, dans la pièce, ils passent leur temps à attendre, à regarder les... Oui, c'est vrai que même le texte qui passe, on n'en fait pas grand-chose, on ne le met pas en bouche. Forcément, on regarde une citation, celle qui a beaucoup plu, qui t'a beaucoup plu, et on la regarde, comme le public. Enfin, on se met dans un... Parce que dans un musée, on est... Je suis pas tout à fait... Enfin, je trouve que c'est vrai et pas vrai. On regarde une peinture immobile, soit, mais tu te rends compte le nombre de mouvements qu'on peut faire autour. Sans parler des fois des hasards d'une personne qui la regarde. Moi, dans un musée, je trouve que c'est une... Quand j'ai pas d'idée avec les acteurs, je vais au musée et j'observe les gens qui regardent. Tu vois, situation de la peinture, quelque chose de... Tu vois, aussi ce que tu dis sur ralentir le temps. Je trouvais ça intéressant, à un moment, l'alternative à l'espace muséal où ils se mettent sous la peinture et ils disent oui, alors on va proposer aux visiteurs de se mettre sous les peintures et de vivre l'œuvre comme ça. Ouais. Et voilà, et peut-être que dans les musées, effectivement, il y a cette partie qui concerne la contemplation et qui est essentielle, je pense, à nos expériences personnelles. Mais il y a aussi de plus en plus un changement de format qui se déplace plus vers le live. C'est une super question. Vous en avez deux parce que c'est tout le temps. Non, bien sûr que là, pour le coup, c'est un peu une ironie. Sur le monde actuel qui transforme tout en performance. Il y a de la performance partout. Comme si on devait rendre un musée plus vivant qu'il ne l'est déjà. que même des œuvres d'art, par exemple, je connais surtout à Paris, ça a dégénéré quand le Louvre a commencé. C'est formidable de jouer de la musique classique devant un tableau, mais c'est comme si on ne faisait pas confiance ou plus confiance aux peintres. Alors, il y a une mise en spectacle, en tout cas, mais c'est, qui est devenue oui, effectivement une grande question des musées, on sent. Il y a eu un moment à Paris, on sentait que c'était pour attirer des parents avec des poussettes. Donc on a même changé l'architecture des musées pour que, notamment au Palais de Tokyo, on rentre en poussette. Parce qu'on a tous des... Enfin, pas vous encore, mais... ce moment, la tranche d'âge, pour cœur de cible, 30-40 ans, ben, qu'est-ce que tu fous? Tu gardes ta poussette? Tu prends un babysitter? Non! Le musée s'ouvre à vos poussettes. Le tableau ne suffit pas. Et on a vu, je pense, pas seulement... Parce que des artistes, on a vu dans ces musées beaucoup d'œuvres en mouvement, je trouve. Tu as beaucoup de musées qui avaient besoin d'artistes, pas seulement Tinguely qui fait des œuvres qui bougent, mais qui sont aussi des beaux mobiliers pour les bébés. Mais la volonté que le musée s'anime, sans parler des ateliers, hein, je ne parle pas que des ateliers pour les familles, mais dans les musées, on a vu apparaître... oui, beaucoup de performances ou de moments. Et bon, ici, bien sûr, dans la danse, Anne-Thérèse Alkersmaker ou Charmat qui ont investi les musées, comme le faisaient d'ailleurs les courants américains il y a fort longtemps. Je trouve ça formidable. Hein. Juste des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a une caricature aussi, hein, de ne pas pouvoir se contenter de regarder le tableau. Les audio guides, c'était déjà assez drôle. La Joconde à Paris, sans parler du mythe, des milliers de personnes autour. Et donc, je vois surtout les gens avec les écouteurs. Et qui vont acheter les tampons avec la Moi, je me demandais quand le théâtre va les traits désuets, tu vois. On va sûrement avoir du théâtre classique sur les plateaux. Et puis dans la salle, un autre spectacle pour nous l'expliquer. Ouais. Ça pourrait être ça. Tu vois, une peinture, on jouerait le théâtre et puis on aurait un tableau. Et puis toi, tu es si brillante, tu expliquerais. Alors voilà, là, Bing Tom a voulu dire ça. Ou on réanimerait un théâtre chiant, tu vois. On se dirait, tiens, je vais inviter des violonistes. Des violonistes, parce que quand même, c'est un peu chiant. Donc, tu vois, ce serait marrant peut-être de jouer. Bien parlé. Oui. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'on explique tout ce que... Ouais, mais cela dit, le texte que Gaspard Friedrich décrit, il dit à un collectionneur, si vous voulez montrer mon œuvre, n'achetez pas une peinture, mettez-en plusieurs et vous allez mettre des rideaux dans votre maison, allumer des bougies à des endroits bizarres avec des petits miroirs. Et ça va faire un parcours, hein. Tu vois, c'est vraiment passionnant. Et après, il y avait vraiment un ami, il suggère un ami musicien. C'est intéressant parce que ça veut dire... comme si d'ailleurs, dans son cas, apparemment, il a vraiment envie de vivre une expérience temporelle. Quand l'artiste le désire, quand l'artiste veut aller au musée, je trouve ça très respectable. Hein. Je reprends l'exemple des chorégraphes. Après, il y a une volonté un peu... d'en faire pour en faire, enfin un peu... voilà. Est-ce que vous avez une dernière question pour finir? Oui, j'en ai une. Comme ça, après, Pierre. Voilà. C'est ma question. Non, mais du coup, c'était par rapport à un moment de la pièce, le moment où il y a le tambourin, la fumée, c'est mon moment préféré avec l'eau qui coule. Je me demandais si ça faisait référence à quelque chose de spécifique par rapport à un tableau de Friedrich. Il y a beaucoup de matière, si tu regardes les peintures de près, il y a tous ces sports de matière en mouvement. Ça fait référence à ça aussi, de plonger complètement dans la peinture. Bah ouais. Ouais. Même pas ouais, je vais briser toi. Mais il y a bien sûr l'idée qu'on... Oui, c'est le moment où on plonge dans la couleur, dans... Il y a à cette époque aussi le traité des couleurs de Goethe. Il y a un super texte de Goethe sur les couleurs qui est très passionnant. Traité des couleurs, je pense. Traité des couleurs. Merci. Hein. Bah, on dit merci, merci. Bien répondu. Ça va être des...